Section 12. De la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 12. L'adoré par René Mézeroy. Juillet 1885. Souvent, après le dîner, Marthe s'assoit devant l'épinette qui date de l'autre siècle. La taille à demi penchée, ses mains fines et blanches posées sur les touches d'ivoire jauni, elle ressemble à une belle dame de jadis qui jouerait un menuet de Rameau ou un rigodon de Lully. Le pauvre vieux clavecin n'a presque plus de son, tremblote à chaque accord, agonise avec de faibles plaintes de mourant et de mélancoliques silences. Mais les notes qui vibrent encore ont un charme pénétrant, une indicible douceur, quelque chose d'analogue au parfum presque évaporé de ces sachets d'iris qu'on découvre en des robes anciennes, au fond d'une armoire longtemps close. Et elles accompagnent à miracle les chansons rustiques et la voix claire qui les chante. Elles sentent doucement, très doucement, ces amoureuses histoires où il est toujours question d'une fille de roi qui se lamente et d'un galant qui partit pour la guerre. Marthe se berce elle-même de ces tintements d'harmonica frêles, tremblants, qui s'entendent à peine, qui ont une douceur lente d'écho. Les bougies ne sont pas allumées à cause des papillons de nuit et des moustiques. Et rien n'est comparable à cette sensation subtile d'écouter monter la musique en sourdine de l'instrument usé, dans le silence, dans le noir qu'embaume l'odeur du dehors, des plates-bandes d'héliotropes fraîchement arrosées, des rosiers de Provins et d'une grande treille qui tapisse les murs et dont quelques feuilles se découpent toutes dentelées sur les hauts rectangles des portes-fenêtres ouvertes au large. De temps en temps, la musicienne s'interrompt brusquement et, retournée à demi sur le tabouret, « Vous dormez, Georges !» s'écrie-t-elle d'un ton moqueur. Et tout émue, je la supplie de continuer, de me bercer encore, de me donner du rêve. « Mais je ne sais plus rien, » répondit-elle pour se faire implorer. « Dis plutôt que tu ne veux pas, méchante. » Et toutes les gavottes, toutes les rondes, toutes les chansons de guerre et d'amour que j'aime y passent ainsi, une à une, comme si nous feuilletions, ensemble, un livre aux merveilleux chapitres. Fin de la section 12, enregistrée par Margot.